Hey, hey, signorita, se è offesa, pubblicità. Hey, hey, Maria Maria, hey, hey. Ça me fait penser aux vacances. Hey, yo, je chill. Pour une track d'été, comme un faux cheveux, débarrasser l'anxiété. Pas de stress, gros soleil comme les terrasses, faut être pacté. Je lève mon verre à l'été, ok, tout le monde santé. Amène la corona, de roche jusqu'à l'aurore. Honey, que c'est pas grave, parce que t'en venais dans le corps, il fait chaud. Philosophie des rasta, il faut aérer, ma mère me dit. Qu'est-ce que t'as? Ben, mom, c'est pas ma faute, j'suis collé dans le sofa. Amène le scraper, faut jamais mettre mes bermudas. Faut checker les bikinis, checker notre testostérone. Check tes hormones avant que tu vaux, trouver le cochon, tu vas gratter toutes les bails, puis recommencer l'été. Nouvelle maladie à chaque année. Mets la femme dans ma face, puis la femme se fondait. Que j'ai trop chaud pour bouger, bitch, ride le stick. J'suis comme un cochon, j'ai la raie toute mouillée. Au moins, c'est pas d'arrêter, une avance est à l'année. Qu'est-ce que t'as? Ben, mom, c'est l'été, c'est dans des gros nénés, puis des derrière bien dorés. Hey, hey! Signorita, cerveza, politiquita. Hey, hey, Maria, Maria. Hey, hey, fiesta, fiesta. Hey, hey, signorita, cerveza, politiquita. Hey, hey, Maria, Maria. Hey, hey, fiesta, fiesta. Fini le bronzage au lion, fini le faux soleil. Maintenant on peut avoir le cancer au naturel. Ça sent le coconut, c'est l'odeur de la crème solaire. Il faut s'en mettre ça l'air que c'est crasse des fixateurs. La rue se voit carnet, je m'ennuie pas l'hiver. Je garoche dans le feu le cold que je mettais hier. Chacun une nouvelle toute pop pour la radio. On fait le party, barbecue les chats spéciaux. Je sors la guette, les tam-tam, fils à l'exotique. Peu importe ce que je pense, ça va finir érotique. Lunettes fumées, old style, Miami Vice. Les cheveux par en arrière, je suis verte, ça fait nice. Mes semelles de shoes font sur l'asphalte chaude. Puis des fois mes couilles aussi font sur une femme chaude. Ok, tout le monde en place pour un concours de limbo. Ok, les gars en place, on va le match. Ok, les filles, seulement ceux qui ont des jupes. Ok, les gars, faut montrer qu'on est en route. Ça, ben, mom, c'est l'été, c'est dans des gros nénés, puis des derrière bien dorés. Hey, hey, signorita, cerveza, politiquita. Hey, hey, Maria, Maria. Hey, hey, fiesta, fiesta. Hey, hey, signorita, cerveza, politiquita. Hey, hey, Maria, Maria. Hey, hey, fiesta, fiesta. Plus besoin d'être stressé, va te faire tresser. Plus besoin d'être pressé, va te faire caresser. Caresser, c'est le party, même si t'es cassé. Puis même si t'es cassé, bande pour shrinker. J'ai encore la bourblème, pas de panique, pas de problème. Et t'es pas fini, a pas fini sa game. J'vais faire aller mes maracas, j'vais faire aller mon bum-bum. Comme un bum à la Ricky, puis dans mon bon, j'veux du rhum. Autant qu'il peut faire frère, comme autant qu'on peut être bain. Puis quand l'automne arrive, ben c'est les Indiens. Pas qu'il est au Québec, on vit dans la boîte. Ça fait chier Chris, j'ai mes deux pieds au sec. Hey, hey, signorita, cerveza, politiquita. Hey, hey, Maria, Maria. Hey, hey, fiesta, fiesta. Hey, hey, signorita, cerveza, politiquita. Hey, hey, Maria, Maria. Hey, hey, fiesta, fiesta. Limpo, moi.